que t'en prie. T'es la couleur de l'enfer. Quand les mots sont salés, tu j'aurais pu sombrer sous la colère comme un cheval fou. Thank you.